habituel. Informations et conditions de l'offre sur primagaz.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Bravo les Bleus. Pour fêter leur beau parcours, chaque jour de match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire des Bleus de 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Oui, 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Alors à vous de jouer. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Cet été, traversez l'Antarctique avec Mike Horn. Une aventure extrême, un exploit. L'Antarctique de Mike Horn, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Voilà, des livres, des chansons, des expos, la télé. J'étais ravi d'être avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter depuis 9h. Et je passe le relais à toute l'équipe de Julien Courbet. Bonjour Julien. Merci beaucoup les infos. C'est la dernière de la saison. Oh là là, c'est pas la fin des temps. Nous allons marquer une petite pause. Je crois que ça va vous faire du bien, nous aussi d'ailleurs. Et terminer cette 18e année du 9h30, 11h. Alors Hervé, on va pas trahir de secret. Où irez-vous cet été? À Saint-Tropez. Eh ben voilà, très bien. Il voulait un endroit calme et discret pour ne pas avoir de tentation et relire toute la saga des Zola, des Rougon-Macquart. Et bien il pourra le faire. Bien sûr. Entre une bouteille de champagne et un spritz qui est la boisson de l'été. Oui, bien sûr. Et vous, Bernard? Je crois que je vais faire les châteaux de la Loire, je vais pas les traiter. C'est vrai. Ah, lui, vraiment, en ce moment, vous avez vraiment la choumoune. Ah oui, non, c'est magnifique, je plaisante. Oui, attendez, ça, Lyon, ça c'est les meilleures vacances que vous avez choisies. Vous êtes le plus malin d'entre nous. Les châteaux de la Loire, c'est magnifique. Enfin, en plus. Alain, quand il choisit des vacances, il va dans le coin. Où est-ce que vous allez, vous, Alain Hazard? Je reste sur Paris, je réponds aux auditeurs. Ça, ça veut dire qu'il a dû faire le couillon il y a un ou deux week-ends et sa femme est en train d'appliquer la punition. Et vous, Nathalie? Moi, je vais à Thézan-les-Béziers, bien entendu. Ah, moi, je vais chez moi. Et tout le monde va partir, les filles, vous allez voir. Et là, pour cette dernière, on va continuer, on va se battre pour vous. Vous faites le 32-10 pour nous joindre, ça vous le savez. Et nous avons ce matin quelques missions. Par exemple, je vous fais comme ça un petit assortiment. Chacun picorera ce qu'il a envie de picorer. On a du marine. Je vous appelle de Seine-et-Marne et avec mon mari, on a réalisé notre trêve en achetant une maison. Hélas, on a vite découvert que nos canalisations sont déjà bouchées et notre logement est inondé. Les eaux usées et eaux pluviales ne sont pas séparées contrairement aux documents que l'on nous a remis. Tout se déverse dans le tout à l'égout. Vaut mieux les séparer quand même, c'est toujours mieux. Nous avons Hervé qui est avec nous. Je vous appelle de l'Oise, je voulais faire plaisir à ma fille. J'ai acheté une aire de jeu avec balançoire. Je l'ai payée 958 euros. La commande arrive, elle n'est pas complète. En plus, il s'agit d'une ancienne édition que l'on ne peut pas assembler car il manque des pièces. Et puis nous aurons Sylvie. Je vous appelle du Loir-et-Cher. Ma fille a rendu son appartement. L'état des lieux de sortie ne signalait rien de particulier. L'association qui gère le bien ne lui a toujours pas rendu son dépôt de garantie. Et pour régler tous ces problèmes, l'équipe est au complet. Il y a Maître Novakovic, la grande avocate au barreau de Paris, qui est là. Bonjour Sylvie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a Nathalie Fellono. Bonjour Julien. Il y a Bernard Sabat. Bonjour à tous. Il y a bien sûr Charlotte Ostendard. Bonjour Julien. Vous écoutez le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France. Vous êtes sur la radio numéro 1 RTL. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous joindre bien sûr au 3210 ou sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Vois-tu, alerte ou patraque, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner. Appelle Julien Courbet. Et j'accueille Marine sur l'antenne d'RTL. Écoutez la voix de Marine. On est en vacances quand on entend Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, vous nous appelez d'où? De Seine-et-Marne. Alors, ma Marine, parlez doucement, bien fort, expliquez aux auditeurs d'RTL ce rêve qui, comme on le dit dans les documentaires, a tourné au cauchemar avec l'achat de cette maison. C'est parti. Oui, alors on a acheté une maison dans Seine-et-Marne, les papiers étaient en règle, sauf que quelques mois après, on a été inondé. Donc on a appelé une société de curage qui est venue et qui nous a dit, je pense que vos eaux usées et vos eaux pluviales ne sont pas séparées. Ce qui nous a vraiment étonnés. Et donc, on a fait venir des experts. Et en effet, c'est vrai. Alors, voilà. C'est obligatoire. Alors, je n'y connais pas grand-chose en eaux usées et en eaux pluviales. C'est obligatoire que ça soit séparé. Oui. Bien. Donc, voilà. C'est ce qu'on pourrait... Dans notre commune, en tout cas, oui. Bon, c'est ce qu'on pourrait appeler, avant d'aller plus loin dans le récit, Maître Novakovic, un vice caché. Oui, tout à fait. Alors, bon, en l'occurrence, il y a une expertise qui a eu lieu. On a reconnu le problème. Donc, en fait, elle souhaite récupérer les 4 449 euros qui correspondent au devis de réparation pour permettre, effectivement, si ça correspond à ça, on ne va pas demander l'annulation de la vente pour ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'un diagnostic du 25 février 2016, je rappelle qu'ils ont acheté en janvier 2017, un diagnostic du 25 février 2016, remis par l'ancien propriétaire, indique noir sur blanc que les eaux sont vraiment séparées. Mais oui. Alors qu'elles ne le sont pas. Bon, que dit le propriétaire quand vous l'appelez ? Alors nous, on n'est pas en contact direct au téléphone, mais quand ils étaient venus pour, avec l'expert, lui, il dit que c'est pas de sa faute. En fait, c'est de la faute de personne. Non mais attendez, vous n'avez pas contacté celui qui vous a vendu la maison ? Pas directement, non. Ben, c'est la première chose à faire, Marine. Comment voulez-vous qu'il règle le problème si vous ne l'appelez pas ? Vous avez demandé à qui, vous ? Nous, en fait, on a directement contacté le diagnostiqueur. Mais le diagnostiqueur, c'est pas lui qui va vous rembourser ? Bah, en fait, le problème, c'est qu'ils se renvoient tous la balle. Enfin. En fait, ils étaient tous présents quand il y a eu l'expertise. Ah, d'accord. Voilà. Alors. Tout le monde était présent. Mais enfin, le mieux, c'est quand même, en général, au moins de prévenir celui qui vous a vendu par une lettre recommandée. Parce que s'il n'est pas au courant, il va me dire mais je ne sais pas de quoi elle me parle. Si je peux me permettre, Julien, ils sont au courant. Le propriétaire est au courant parce qu'en fait, le cabinet d'expertise a adressé une lettre recommandée au propriétaire, notamment c'est une ça. Du 26 janvier 2018 que vous trouvez 6 juin. Alors, j'ai un diagnostiqueur qui est à Palaiseau. C'est celui qui est venu et qui a dit Palaiseau. Ne sont pas séparés, on est d'accord ? Lui, il a dit qu'ils sont séparés. Hein. Ah, c'est celui de Palaiseau, le diagnostiqueur, qui lui est de Performance Diagnostic Immobilier. C'est ça, qui lui a dit oui, ne vous inquiétez pas, c'est séparé. D'accord, donc c'est lui qui s'est trompé. Donc lui, on va l'appeler. Alors, qui dit, quel est le diagnostiqueur qui dit, ou le cabinet d'expertise qui dit que c'est pas séparé ? C'est le cabinet Robert Boucher, expert ? Oui, eux, quand ils sont venus, ils ont dit en effet, oui, on constate que c'est pas séparé. Mmh. D'accord, donc il y en a, je vois maintenant ce qu'a pu donner la réunion. Oui. Hein. C'est séparé. Non, c'est pas séparé. Si, c'est séparé. Non, c'est pas séparé. Bah, si, c'est séparé. Non, t'es pas. Et on en est là aujourd'hui, donc ça va pas être facile. Alors, je le dis avec mes mots, ça s'est pas forcément passé comme ça, mais c'était pour vous expliquer un petit peu le contexte. C'est imagé. Tout ceci, Marine, fait que votre mari ne peut pas profiter des beaux jours comme il le souhaiterait. Il est un peu stressé quand même. Et donc, du coup, et vous êtes là pour en parler, de graves problèmes dans votre couple, voulez-vous nous en parler ? Il n'est plus aussi tendre qu'il l'était à votre premier jour du mariage. C'est ça le problème. Voilà, exactement. Donc il faut vraiment que l'on intervienne. C'est n'importe quoi. Et nous allons nous en occuper dans une seconde, ma Marine. Tout le monde est sur le coup. Allez, à tout de suite sur l'antenne RTL. Vous me préparez le numéro. Voilà, écoutez, là c'est une musique de vacances. Vacances. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Quel plaisir de vous retrouver à partir du lundi 9 juillet pour le grand quiz de l'été sur RTL. Tous les matins, répondez à nos questions pour gagner 1000 euros et des séjours en famille au parc Astérix. Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant au 3210, 50 centimes la minute, ou par SMS en envoyant RTL au 74 900. 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Le grand quiz de l'été. Dès lundi à 9h15 sur RTL. À très vite. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Quand ma fille m'a dit « Maman, t'as vu, chez Carrefour, il y a la deuxième démarque des soldes avec jusqu'à moins 70% sur encore plus d'articles textiles. » Moins 70%? Mais faut absolument qu'on y retourne. Résultat des courses? Telle mère, telle fille. Les as du shopping, c'est nous. Les soldes continuent chez Carrefour. En ce moment, il y a jusqu'à 70% de remise immédiate sur encore plus d'articles textiles. Carrefour. Remise appliquée sur les prix pratiqués avant le début des soldes, valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasin participant sur carrefour.fr. Retour sur l'île, le nouveau suspense de Vivek Asten. Que diriez-vous de retourner sur l'île suédoise de Sandham ? Avant d'accepter, faites bien attention, car les inspecteurs Thomas Andreasson et Nora Linde doivent faire face à une vague de meurtres plus glaçante que tout ce que vous pouviez imaginer. Retour sur l'île, le nouveau Vivek Asten, quand le plus glaçant des suspens va mettre le feu à votre été. Un livre Albin Michel. Chaque été, c'est la même chose. Je change de rythme, d'alimentation et mon transit se met au ralenti. J'ai trouvé ma solution naturelle avec fruits et fibres des laboratoires Ortis. Des figues et de la rhubarbe pour retrouver un transit régulier. À moi l'été en toute légèreté, avec fruits et fibres. Pour profiter de l'offre satisfait ou remboursé, rendez-vous jusqu'au 31 août en pharmacie et sur offrefruitsetfibres.fr. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Intéressant, car on le sait, c'est l'achat principal d'une vie, c'est votre principale préoccupation, votre habitation, c'est là où vous mettez votre argent, votre famille, c'est... Et là, on a un vrai problème avec Marine. Et oui, parce que Marine nous appelle pour un problème de canalisation bouchée dans la maison qu'elle vient juste d'acheter. Les eaux usées et les eaux de pluie ne sont pas séparées, donc du coup, ça se bouscule dans les tuyaux et ça risque d'inonder sa nouvelle maison. Merci de rendre ce récit quand même très, très imagé. Ça se bouscule dans les tuyaux. Néanmoins, ce qui nous gêne, nous, c'est qu'il y ait deux avis différents. C'est-à-dire qu'il y a quand même un expert qui a rendu un rapport en disant oui, elles sont bien séparées. Il y a un autre qui est venu derrière, mais non, elles ne sont pas séparées. C'est quand même dingue, ça, maintenant, dans la commune. Absolument, c'est toute la difficulté. Et celui qui a menti, enfin, qui s'est trompé, engage sa responsabilité, il faut le savoir. Non, la vérité, la loi dit, c'est celui qui dit qu'il est. Alors, on verra bien dans quelques instants si c'est le cas. Nous allons donc appeler ce premier diagnostiqueur, si vous le voulez bien. Celui qui a dit dans un rapport avant l'achat de la maison, non, elles sont bien séparées, tout va bien, tout est conforme, c'est parti. Diagnostic immobilier, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL, j'espère ne pas vous déranger, ce n'est pas une blague. Hein. Je vous appelle concernant un diagnostic qui a été fait chez une auditrice. Est-ce que éventuellement monsieur Réa Bella, s'il vous plaît? Non, je suis désolée, pour quelle raison monsieur? Alors je vous explique, c'est un diagnostic qui a été fait sur une maison qui appartient maintenant à madame Pierlot, anciennement monsieur Delorbe, dans lequel Performance Diagnostic Immobilier a dit que les eaux usées et les eaux pluviales étaient séparées. Or, elles ne le sont pas, puisqu'il y a eu un nouveau rapport d'expertise, un nouveau diagnostic qui montre bien qu'elles ne le sont pas. Alors, aujourd'hui, il va falloir les séparer, et elles n'auraient peut-être pas acheté la maison si elles avaient eu la bonne expertise. C'est pour ça qu'on se tourne vers vous. Alors, je suis désolée, il est en intervention. Donc d'accord. Vous pouvez lui envoyer un petit texto? Alors, donnez-moi votre numéro de... Enfin, où est-ce qu'il pourrait vous joindre? D'accord, comme ça vous lui envoyez un texto, vous lui dites qu'on est sur l'antenne d'RTL. Je vous donne le numéro en antenne. Charlotte, allez-y, comme ça cette dame peut joindre son patron. Merci madame pour votre gentillesse. Allô? De rien. Ah bah, vous lui avez coupé la chic au moment où je faisais les formules de politesse. C'est pas grave, vous lui direz merci de ma part. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir le cabinet d'expertise afin qu'il nous assure par A plus B qu'effectivement... Les eaux ne sont pas séparées, donc nous appelons maintenant, si vous le voulez bien, le cabinet Robert Boucher, expert. Cabinet Robert Boucher, expert, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, j'espère ne pas vous déranger, c'est la radio RTL, ce n'est pas une blague. Je vous appelle car nous aimerions avoir confirmation d'une expertise que vous avez réalisée, j'ai votre cliente qui est en ligne avec nous. Alors je ne sais pas, qui est le nom de la personne Marine qui avait réalisé l'expertise? Madame Lautenberg. Est-ce qu'elle est là, Madame Lautenberg? Elle est en expertise, malheureusement. Est-ce que vous pouvez lui envoyer un petit texto pour lui demander de nous rappeler, s'il vous plaît? Je note votre numéro. C'est très gentil, madame. Charlotte, vous redonnez le numéro également à cette dame. Bernard va le récupérer. Merci, madame. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Je rappelle que le métier de ces gens-là, c'est d'aller sur le terrain faire des expertises, donc c'est normal qu'on ne les trouve pas forcément sur le bureau. Mais ils vont nous rappeler. Bon, alors maintenant, il faut appeler, évidemment, l'ancien propriétaire. Ah bah, ça, c'est sûr. Le gros morceau. Un mot à dire, maître Fellono? Mais écoutez, en fait, si jamais le diagnostiqueur initial ne s'était pas trompé, quelle aurait été la conséquence? C'est qu'on sait que ces travaux sont obligatoires, c'est une mise aux normes. Qui devait les prendre en charge? Soit l'ancien propriétaire le faisait directement, soit peut-être il baissait son prix en disant à l'acheteur, eh ben voilà, comme ça vous aurez de quoi les faire. Soit il disait, écoutez, vous achetez en l'état parce que si ça ne vous plaît pas, c'est le même tarif. Alors, c'est ça qu'il faut voir maintenant, c'est que c'est un vice caché pour les acquéreurs et à mon avis, ils sont intéressés au premier plan. Alors, on marque une petite pause. Le temps de voir si jamais on nous rappelle dans les 2-3 minutes concernant les deux cabinets d'experts et derrière, je lance l'appel téléphonique au propriétaire et nous allons bien voir ce qu'il va nous dire. Après avoir écouté Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Il est imprononçable ce titre, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est sur RTL, je vous en prie, maître Fellono. Oh, j'adore votre anglais. Comment pouvez-vous vous moquer de ce qui est un véritable handicap pour moi? Je n'ai jamais su. Je vais vous raconter très rapidement qu'une fois, la seule fois d'ailleurs, je crois, où j'ai été au MIPL, fameux salon où vous présentez vos projets au monde entier, et j'avais des rendez-vous qui avaient été pris parce que des gens voulaient racheter sans aucun doute, et je me tombe sur 3 personnes, je crois que c'était des Chinois, donc on parle en anglais dans ces cas-là, et ils m'ont demandé en anglais en quoi ça consiste. J'ai à peu près compris la question, et là je me suis lancé dans un truc du style it's an emission where is people are not content. Oh là là là là! And me, I telephone to. Et là, ils se sont levés, ils sont partis. Je vous jure, ils se sont dit, mais on a affaire à un guignolo de dernière classe. Et puis, du coup, bah, écoutez, j'ai profité un peu de la ville, de Cannes, et je suis rentré chez moi. Here we are, still together. We are one. Lenny Kravitz sur RTL. Voilà en ce qui concerne la musique. Alors, nous sommes toujours, nous le rappelons, sur le cas de Marine. Problème de tuyauterie chez elle. Elle vient tout juste d'acheter une maison, mais les eaux usées et les eaux de pluie ne sont pas séparées. Une expertise d'ailleurs, lorsqu'elle achète, lui est proposée. Elle la lit, elle voit bien que l'expert dit les eaux usées sont d'un côté, les eaux pluviales sont de l'autre. Elle se dit génial. On l'achète. Malheureusement, après, elle est inondée. Parce qu'on a oublié de dire quand oui. même qu'elle est inondée régulièrement. Pouvez-vous nous en dire plus, Marine ? Deux fois. Enfin, une fois, on était en vacances, c'est ma cousine qui a trouvé l'eau partout en bas. Et la deuxième fois, ils ont dû écoper l'eau qui rentrait dans la maison. Voilà. Et depuis, on a mis en place des systèmes de grilles pour pas que les feuilles passent dans les canaux. Et du coup, c'est un peu mieux. Mais quand vous dites que c'est inondé, c'est pas inondé qu'avec des eaux pluviales ? Ah ben non, y a tout, je pense. Parce qu'on avait eu même une fois... une merde en fait qui est venue de nos toilettes du coup qui s'était retrouvée en bas de notre voilà. Elle avait voyagé. Mais elles sont très malines. Des fois elles sont curieuses. Voilà. J'ai connu des merdes très curieuses qui se disent tiens je sors de la flaque, on va aller voir du côté de la cuisine ce qui s'y passe. Et elles se baladent un petit peu et vous savez elles sont très dures à attraper. Bon, écoutez, merci Marine, je ne regrette pas une seconde d'avoir choisi ce cas. Maître Dokovic, qu'avez-vous à nous dire ? Alors, je veux quand même vous préciser que donc Madame Lautenbach, on a du mal à joindre, de toute façon, a fait beaucoup de courriers, donc on connaît sa position, et elle dit qu'il faut une mise en conformité. Elle précise que le propriétaire, l'ancien propriétaire, refuserait de prendre en charge le coût de cette mise en conformité. C'est pour donc, ça qu'on va l'appeler là voilà, dans une seconde. Il faut vraiment exprimer le problème et tenter effectivement une solution amiable, une médiation entre les deux. Ça marche. Mais qu'est-ce que fais là ? Bah, tu prends ta maison. Excusez-moi, c'est une crotte de l'inondation de Marine qui était venue dans le studio. C'est n'importe quoi. On va, dans une seconde, essayer si vous le voulez. Oh, écoutez, si on n'en rit pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est quand même incroyable. Bien sûr que la pauvre, c'est la pour ça qu'on va l'aider. Elle a choisi la radio numéro 1, number 1. Number 1 is a hard time. RTL. Lidl, partenaire de l'équipe Quick Step pour les produits frais. Allô, patron ? Alerte orange chez Lidl. Enfin une bonne nouvelle. Bonne nouvelle patron, faut le dire vite. Hein. Aujourd'hui, demain, le kilo d'abricots Origine France est à 2,49€. Des abricots à moins de 2,50€ ? Pourquoi tu ramènes ta fraise avec ton orange ? Grosse alerte orange patron, comme les abricots, à 2,49€ le kilo. Ah bravo, je vois rouge maintenant. Ah, on est mal. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 40-45, Origine France. Chérie, j'ai craqué. Comment ça ? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Ah, et alors ? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990€. Comment ça, 8 990€ ? Attends, j'ai peur, là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500. Et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990€ seulement. Offre sous conditions de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus Ecofiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Leclerc. Papa, tu fais quoi là ? Une petite partie en solo de Crash Bandicoot sur ma nouvelle console Nintendo Switch. Je le crois pas. Du 3 au 14 juillet, l'ensemble console Nintendo Switch et jeu Crash Bandicoot est à 321,94€ chez Leclerc, dont 60 centimes d'éco-participation. La console vendue seule est à 292,49€, dont 60 centimes d'éco-participation. Et le jeu vendu seul est à 29,45€, dans la limite des stocks disponibles, voir modalité dans les magasins participants et sur www.culture.leclerc. On se fait une petite partie ? Les artistes RTL, la compile avec Maître Gims et Vianney, Sting et Shaggy, Kimber Rose, Luan, Marc Lavoine, Tom Walker, Pink, David Guetta. Les artistes RTL, la bande-son de votre été. Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Mais pourquoi tu veux qu'on aille faire les courses avec deux voitures ? T'inquiète. Aujourd'hui et jusqu'à samedi seulement, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Liste des magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Le 9h30, 11h sur RTL, l'appel au propriétaire. Mais j'ai l'impression que Maître Novakovic voudrait rajouter quelque chose, je vous écoute. Ben oui, je pense quand même, parce que le propriétaire, évidemment, peut se retrancher derrière son diagnostiqueur qui s'est trompé apparemment, et celui-ci engagerait sa responsabilité civile, donc son assurance pourrait prendre en charge ce sinistre. Une alerte, Sylvie, que se passe-t-il ? Nous ne sommes pas avec le propriétaire, mais avec le diagnostiqueur lui-même, Monsieur Réhab, en ligne. Ah bonjour, Monsieur Réhab. Bonjour. Monsieur Réhab, c'est Julien Courbet. Je suis en train de faire mon émission de radio sur RTL. Monsieur Réhab, ce n'est pas une blague. Je suis avec Marine Pierlot, qui, vous le savez, a acheté à Monsieur Delorme une maison, et il y avait un diagnostic. Excusez-moi, là, je vous entends très mal, là, je suis sur la route. Ah, alors est-ce que vous... Route, avec le casque de moto, Ah oui, effectivement. Vous pouvez vous garer ou pas du tout ? Non, pas possible. Ah oui, effectivement. Bon, alors Bernard, récupérez-le. Oui, je le récupère. Il est sur la moto. Alors, il faut bien qu'il nous donne un petit créneau de 10 minutes, à un moment ou un autre. Bon, j'ai bien entendu ce que vous me disiez. On appelle donc l'ancien propriétaire, mais elle a raison, Maître Novakovic. Effectivement, l'ancien propriétaire, il est peut-être de très bonne foi. Lui dit, faites-moi un diagnostic qui est obligatoire. Bah, oui. Dis-moi, je ne suis pas diagnostiqueur. C'est donc, pas un professionnel. Bien sûr. Mais au moins, il pourrait assigner ou montrer du doigt son diagnostiqueur en lui disant, faites ce qu'il faut absolument, pour arranger qui lui-même est assuré. Je suis pas là. Je ne sais pas si le propriétaire est là. Maître Filono, il va falloir que vous compreniez quelque chose et je vais vous le dire avec toute l'amitié et l'affection que j'ai pour vous. Vous me rappelez une vieille tante qui, lorsqu'on était, à table, vous savez, il y avait des discussions, elle était loin, elle faisait oui, oh non. Donc, soit vous avez quelque chose à dire et vous prenez le micro et vous le dites vraiment, mais là, on entend une voix au loin qui fait J'ai dit oui à ce que disait Sylvie. Non, c'est pas une intervention qui mérite. Xavier Kassovitch, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'elle marmonne en permanence ? Complètement. Bon, parfait. Reprenons maintenant ce dossier. Nous avons eu le diagnostiqueur performance diagnostic immobilier. Il était en moto, Bernard Sabat. Que vous a-t-il dit ? Vous avez pu continuer ? Donc, il a raccroché Julien. Le problème, c'est qu'on ne peut plus l'appeler. Ça tombe sur sa messagerie. Mais il est en moto, donc on va. Rappeler. Le deuxième diagnostiqueur, on attend. Et alors, du côté de l'ancien propriétaire... Ça ne répond pas, malheureusement. Mais Marine, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça souvent. Voilà, on a alerté tout le monde. Ils vont nous rappeler. Mais JB, qui a fait ce dossier, voudrait prendre la parole. Oui, Julien, parce qu'il y a une autre personne également qui est au courant de ce dossier. Il y a un autre organisme, en tout cas, c'est l'assureur du diagnostiqueur. Il y a eu beaucoup de mails échangés également avec Marine. Ah. Et ils savent très bien ce qui se passe. Peut-être qu'on peut les appeler. Mais vous savez que vous êtes en train de prendre un poids, une place dans cette émission dont vous ne soupçonnez pas l'importance. Nous allons donc, dans une seconde, appeler, si vous le voulez bien, l'assurance. Et cette assurance, c'est une assurance que nous connaissons ? Alors, c'est un intermédiaire, en fait, de l'assureur. L'assureur, vous connaissez très bien, c'est un grand assureur qui a énormément de clients en France et ailleurs, mais c'est un intermédiaire en fait qui se charge notamment des dossiers et du dossier. Mais qu'est-ce que c'est un intermédiaire ? C'est un courtier, c'est quoi ? C'est une sorte de courtier, oui, tout à fait. Allez, on essaie de l'appeler pour voir ce qu'il en dit, ce monsieur, et nous allons ensuite enchaîner sur un deuxième dossier. D'ailleurs, Bernard, je ne sais pas si vous êtes en ligne avec quelqu'un. J'essaie de tenter l'ancien propriétaire. Alors, raccrochez pour l'instant. Essayez plutôt de prendre là maintenant. Basculez-le sur Bernard, parce que le temps de réexpliquer à l'assureur, là, nos auditeurs vont dire, on la connaît par cœur, votre histoire. Donc là, c'est l'assureur. JB va vous expliquer. Je voudrais qu'on passe ensuite au cas numéro 2, s'il vous plaît, bien Céline. Bien sûr, on parlera toboggan, petite maisonnette et balançoire avec Hervé, qui a commandé une aire de jeu pour sa petite fille, plus de 1000 euros. Et le résultat, c'est pas au top. D'accord, Hervé est en ligne avec nous. Bonjour, Hervé. Oui, bonjour, Julien. Bonjour, allez, Hervé. Bonjour, mon Hervé, vous nous appelez d'où? De Beauvais, d'Amboise. Parfait, c'est à vous, vous m'expliquez là en quelques secondes le but de votre appel, s'il vous plaît. D'accord. Ah, l'histoire est très claire. Donc Hervé nous appelle parce qu'il a eu un accord qui lui a pas plu. Non, il faut me raconter l'histoire, Hervé. Alors, donc en fait, pour faire plaisir à notre fille, on a acheté une aire de jeu et des accessoires. Donc l'aire de jeu nous a été livrée avec beaucoup de retard. J'explique juste aux auditeurs, c'est une petite cabane en plastique où les enfants peuvent monter et accroché à cette cabane, il y a une balançoire, d'accord ? Exactement, avec toboggan, etc. Ça marche, et donc ? Et donc l'aire de jeu a été livrée avec un mois de retard. Elle n'est pas complète, donc on ne peut pas la monter. Et les accessoires, il y a également des accessoires qui sont manquants. Eux, par contre, on les a reçus rapidement. Mais par la poste, pas par le même transporteur. Mais il y a également des éléments qui sont manquants. Donc aujourd'hui, j'ai recontacté la société. Oui. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de nouvelles, donc c'est compliqué. Alors, ça tombe bien, je le dis, car c'est une société, je le dis, sous contrôle d'Alain Hazard, rédacteur en chef, énorme société de vente par correspondance, avec qui, pour l'instant, nous avons un taux de dialogue et de réussite qui est de 100%. Très peu de cas, il faut dire les choses comme elles sont. Ils sont très réactifs, avec eux. Oui. Un, un, très peu de cas avec eux. Deux, les rares fois, et pourtant il y a énormément de transactions avec eux, les rares fois où vous avez eu à vous en plaindre, ça a été réglé, je pense, dans l'heure. Donc j'espère que ça sera valable pour vous aussi, Maître Fellonneau. Alors, il y a quand même une petite originalité dans ce dossier, c'est que notre auditeur Hervé, lui, ne souhaite pas annuler la vente. Il dit, voilà, ces pièces manquantes, j'en ai besoin. Ce sont des vis, j'ai la liste, hein. Franchement, c'est pas grand-chose, il mange quelques planchettes. Surtout, il manque des vis, voilà, des charnières, c'est pas grand-chose. Et il veut compléter cet achat parce qu'il veut pouvoir la monter pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'a plus le temps de le recommander avant cet été, c'est bien dommage parce qu'il va rater les beaux jours. Ensuite, là, il trouve des prix équivalents, mais plus chers, et donc il veut maintenir ce prix qu'il a eu par ce vendeur par Internet. Et en plus, quand le vendeur sur Internet vient vers lui, c'est pour dire, bon, bah, écoutez, on va vous rembourser, mais on ne le rembourse pas complètement parce que les frais de transport resteraient quasiment à sa charge. Et il y a une partie par des bons de, vous savez, des avoirs, 5 avoirs, et lui, il n'est pas du tout d'accord. Ça marche, merci beaucoup. Nous sommes déjà à Noël, suite à cette explication de Maître Fellonneau. Donc, joyeux Noël à vous tous. Bravo à Emmanuel Macron, qui a donc 2 quinquennats, qui nous quitte maintenant. Et nous nous retrouvons, bien sûr, à l'ère où maintenant on circule avec des voitures volantes, vous le savez, dans quelques instants, pour appeler la société. C'est pas à drôle. Très bientôt. Et puis, bon anniversaire à Nathalie Fellonneau, Maître Novakovic. 175 ans déjà aujourd'hui. À tout de suite. L'Europe signe les produits du terroir avec la fraise du Périgord. Reconnue par le label IGP, indication géographique protégée, la fraise du Périgord se dévoile et vous offre les plaisirs sucrés et fondants. Avec ses nombreuses variétés, Garriguette, Marin des Bois, Charlotte, Murano, elles sauront vous faire craquer jusqu'en octobre. Campagne cofinancée avec le concours de l'Union européenne. Encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. J'ai un pique-nique familial ce dimanche. J'espère qu'il fera pas trop chaud. Ah, mais c'est super ça, Michel. Mais par contre, il faut prévoir de quoi bien s'hydrater. Non, mais c'est sûr, surtout qu'avec mes neveux qui vont jouer au foot tout l'après-midi. Alors j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Jusqu'au 15 juillet chez Carrefour Market, le 3e pack de 6 bouteilles d'eau minérale naturelle Volvic est gratuit. Oh, chouette, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Bouteille de 1,5 litre, magasin participant sur carrefour.fr. Bravo les Bleus! Pour fêter leur beau parcours, chaque jour de match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire des Bleus de 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Oui, 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Alors à vous de jouer. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Christopher, toujours en tête de la course depuis 30 km, il maintient une cadence confortable loin devant le peloton. Mais que fait-il? Il sort de sa trajectoire pour s'arrêter dans un centre Best Drive. En ce moment chez Best Drive, recevez jusqu'à 100 euros pour l'achat de pneus Continental. Conditions sur bestdrive.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Ah ben ça va nous faire une bonne entrée. C'est pas un dessert? Non, c'est une entrée. Ah non, c'est un dessert. Une entrée. Dessert. Entrée. Dessert. Entrée. Dessert. Aujourd'hui, la pastèque noire sans pépins, Mon Marché Plaisir, est à 1,79€. Et c'est seulement jusqu'à samedi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Espagne, calibre 5-6, catégorie 1, prix à la pièce. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter encore des soldes comme nulle part ailleurs. Aujourd'hui, c'est la nouvelle démarque des soldes chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur toute la mode et toutes les tendances. Jusqu'à moins 70%, il est grand temps de se faire plaisir. Les soldes par Kiabi jusqu'au 7 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Fin de la première demi-heure, je vous rappelle que c'est la dernière aujourd'hui. Nous reviendrons fin août, ne vous inquiétez pas, nous serons là pour vous aider. Mais là, cet après-midi, c'est quand même l'événement. Il y a ce France-Uruguay à 16h, à la hasard. Alors, on n'aura pas le résultat de votre pronostic lundi, puisque nous ne serons pas là. Comptez sur moi fin août pour ressortir ce que vous allez nous dire. Alors, à la hasard, France-Uruguay, 16h. Match extrêmement serré, victoire de l'équipe de France par 1-0. Et le but sera marqué par Mbappé. Et je vais plus loin, comme c'est la dernière de la saison. Cavani va-t-il jouer? Alors je pense pour l'instant là je m'explique juste, c'est de l'intox. Je pense qu'il va jouer, oui. Voilà. Donc vous avez entendu, rendez-vous fin août pour savoir si Alain Hazard avait raison ou pas. Et puis alors, donc 16h le match, à ne pas manquer bien sûr sur RTL. Moi, je vais filer juste après l'émission, je pars du côté de Narbonne à Port-la-Nouvelle. Ah, vers chez moi. Voilà, je vais jouer ce soir, mais c'est après le match, donc vous pouvez regarder le match tranquille, c'est à 21h. Je suis ce soir, et ça sera quasiment complet, je crois, au Théâtre de la Mer. De la mer de qui on sait pas, mais on y sent en tout cas. Nous allons attaquer la deuxième demi-heure de l'émission pour cette dernière de la saison. Merci d'avoir choisi RTL. Chez Toussalon, c'est le moment de personnaliser votre salon selon vos envies. Rendez-vous vite dans vos magasins Toussalon sur toussalon.fr et profitez de soldes exceptionnels. Toussalon, reposez-vous sur un grand nom. RTL, il est 10h. Les infos sur RTL, c'est avec Alice Moreno. Bonjour Alice. Bonjour Julien, bonjour à tous. Fin du suspense pour les 750 000 candidats au baccalauréat. Les résultats sont en train de tomber ce matin, académie par académie. Étienne Baudu, vous êtes avec les élèves du lycée Nelson Mandela dans le 12e arrondissement de Marseille. Et vous l'avez constaté, c'est quitte ou double, déception ou explosion de joie devant les tableaux d'affichage. Et oui, et des déceptions évidemment, il y en a. Manel ne s'en prend qu'à elle-même. Bah, une grosse déception parce que je pensais l'avoir, mais au final je ne l'ai pas eu. Et je me suis donné en histoire géo et en philo et en fait ils m'ont mis des 4, des 5 et voilà, je suis dégoûtée. Je n'ai pas travaillé toute l'année, donc bien fait pour moi. Et puis il y a aussi ces élèves qui, à l'inverse, vous dégoûtent un peu, il faut bien l'avouer. Moi j'ai eu 20 en maths, 19 en éco, 18 en histoire, donc ça va. La moins bonne ? 15 en philo. Et 18,5 de moyenne, joie contenue. Donc pour Jade, en revanche, pour Alice et sa maman Claudine, c'était mention bien. Explosion de joie et d'émotion. Oh là là, j'ai le souffle coupé, c'est merveilleux. J'étais inquiète, j'ai soutenu toute l'année, elle a failli craquer, mais j'étais là, je l'ai poussée. Encouragez vos enfants à poursuivre leurs études, ne découragez pas, allez avec eux jusqu'au bout. Ah, c'est merveilleux. Bref, ce matin, ici comme partout ailleurs, c'était un condensé d'émotions. Un reportage d'Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille. Plus que quelques heures avant le choc France-Uruguay, coup d'envoi à 16h pour ce match qui s'annonce très âpre. La Céleste n'a encaissé qu'un seul but dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, les Bleus n'ont jamais battu l'Uruguay dans un mondial. S'ils remportent le match, ils affronteront la Belgique ou le Brésil. C'est à suivre sur RTL dès 15h30 et jusqu'à 23h. Club RTL Mondial 2018, exceptionnel avec Bichente et Lizarazu, nos envoyés spéciaux en Russie et tout le service des sports. Le légendaire gardien de but Gigi Buffon signe aujourd'hui au PSG. Information de nos confrères de l'équipe. La star italienne doit passer sa visite médicale ce matin avant de signer dans la foulée pour une durée de 2 ans. Il sera présenté officiellement lundi au Parc des Princes. Buffon, joueur très expérimenté du haut de ses 40 ans et de ses 180 sélections en équipe nationale. Un suspect placé en garde à vue ce matin après l'agression d'un couple de policiers en civil. C'était mercredi soir en Seine-et-Marne. Ils ont été passés à tabac par 2 hommes sous les yeux de leur petite fille de 4 ans. Un dealer aurait reconnu la policière dans la rue. Elle aurait déjà eu affaire à lui en patrouille. La rougeole a fait un 3e mort en France cette année. Il s'agit d'une jeune fille de 17 ans décédée au CHU de Bordeaux après des complications neurologiques. La maladie a déjà tué 2 patients en 2018. Un jeune homme de 26 ans et une mère de famille de 32 ans en février. C'est une information RTL. Alexia Daval a été tabassée avant de mourir étranglée. Les médecins légistes ont décelé 5 fractures du crâne à l'autopsie. Information troublante alors que son mari Jonathan est revenu cette semaine sur ses aveux et accuse cette fois son beau-frère. Une 3e nuit de violence urbaine à Nantes dans le quartier du Breil. 4 personnes ont été interpellées. 50aine de voitures ont été incendiées. Mardi, la mort d'Aboubacar Fofana, tué par un tir policier, avait embrasé les quartiers sensibles de Nantes. Le jeune homme avait tenté d'échapper à un contrôle routier. Le CRS qui a tiré a été placé en garde à vue comme le veut la procédure. Hier, une marche blanche en hommage à Aboubacar a réuni près 1 millier de personnes. La Bourse de Paris, ce matin, le CAC 40 est à la hausse de 0,38% à 5 387 points. La météo pour cet après-midi, encore des orages à l'est, du sud de l'Alsace à la Franche-Comté et le nord des Alpes. En revanche, grand soleil sur la Méditerranée avec du vent sur la Corse jusqu'à 70 km/h. Partout ailleurs, de belles éclaircies entrecoupées de quelques nuages. Les températures, 20 à Cherbourg, 22 à La Rochelle, 25 à Strasbourg, 27 à Lyon, 29 à Paris, 30 à Marseille, maximale à Avignon, 31 degrés. Les courses, c'est à Cabourg en nocturne ce soir. Bernard Glass vous propose de jouer le 15, le 13, le 12, le 9, le 4, le 6, le 8. Et sa dernière minute, c'est le numéro 13, Copernic de Play. Vous écoutez RTL, il est 10h05. On retrouve tout de suite Julien Courbet. Ça peut vous arriver. Merci beaucoup. Les infos, nous vous retrouvons tout à l'heure avec plaisir à partir de 11h. Encore une fois, une première demi-heure riche que nous allons maintenant vous résumer. Si vous le voulez bien, c'est parti. Voici le point info. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Céline, nous avons donc démarré par quel cas ? Le cas de Marine. Chez elle, ce sont des inondations régulières et des toilettes qui rendent leur offrande parce que le système d'évacuation des eaux n'est pas aux normes. Alors là, coupez la musique. Que c'est bien joli. Des toilettes qui rendent leur offrande. Je savais pas alors, qu'elle vont utiliser. C'est magnifique. Mais vous savez que c'est peut-être même un petit peu trop vu le niveau de l'émission. Mais j'ai bien aimé le petit merde de tout à l'heure de Marine. Non, c'est gentil. Alors, mais c'était mignon. Ceci étant dit, vous voyez, on en plaisante, mais encore une fois, vous êtes chez vous, vous venez d'acheter une maison et c'est vrai que c'est l'achat d'une vie, c'est le bonheur, c'est notre nouvelle maison. Et là, tout d'un coup, des inondations avec des eaux usées, c'est dégueulasse et ça vous rend fou. Ça vous rend d'autant plus fou que quand vous avez acheté une maison, on le sait, il y a des obligations, Maître Novakovic, pour le vendeur, de montrer des certificats de conformité. Tout à fait. D'ailleurs, c'est le notaire qui s'arrange, qui fait en sorte que à l'acte de vente sont annexés tous ces justificatifs. Et donc, il y avait certainement ce justificatif, mais il s'avère qu'apparemment, le diagnostiqueur se serait trompé. Mais ça, c'est une fois de plus, on n'est pas professionnel, il faut le vérifier. Et donc, ce diagnostiqueur dit non, les eaux usées et les eaux pluviales sont séparées. Or, quand elle fait venir quelqu'un, il dit non, c'est pas séparé. Alors, on essaie d'avancer. Nous avons appelé celui qui a fait la première expertise. Il était en moto, il n'a pas pu nous parler, ça a raccroché. On essaie de le rappeler. Nous avons appelé le deuxième expert qui lui a dit, je vous préviens, c'est pas séparé du tout. Là, on nous a dit, ils sont en expertise, laissez-nous les prévenir, ils vont vous rappeler. Nous avons appelé le propriétaire de la maison, et le propriétaire de la maison qui n'est peut-être responsable de rien, puisque lui, il fait venir un expert. Moi, je serais incapable de vous dire si chez moi, les eaux sont séparées ou pas. Si l'expert lui dit, elles sont séparées, il y croit. Mais au moins avoir son point de vue, où en est-on ? Pour l'instant, il est injoignable, malheureusement. Donc, on n'a pas grand monde sur ce dossier, il faut dire les choses comme elles sont. Mais JB nous dit, attention, l'assurance de celui qui a fait la première expertise et qui aurait peut-être pu se tromper est au courant. Essayons de les appeler. Bernard, vous étiez avec eux il y a quelques instants. Alors, j'étais avec eux et c'est Madame Perrault qui s'occupe de ce dossier. Malheureusement, Julien, elle n'est pas disponible. Je ne sais pas si elle a le droit de parler ou pas, mais j'entendais parler derrière. Pour l'instant, on ne peut pas les avoir. C'est eux qui couvriraient justement le diagnostiqueur qu'on a essayé de joindre en moto tout à l'heure. Performance diagnostic immobilier. Il y propose, comme il s'agit d'un intermédiaire et que je vois maintenant sur l'affiche que l'assureur serait AXA, qu'on appelle, on a la chance d'avoir un assureur qui, à chaque fois qu'on l'appelle, sort de réunion à la minute pour tenter de régler le problème. Je propose qu'on appelle notre intermédiaire, Éric Lemaire, pour qu'il essaie de voir s'il peut jeter vite fait un coup d'œil à ce dossier. Alors, ça prendra un petit peu de temps, peut-être pas ce matin, parce qu'il va devoir appeler dans les services qui s'occupent de ça. Ils sont juste quelques milliers, mais au moins, ça fera avancer le dossier. Vous pouvez faire ça ? On l'appelle. Ça marche. On va lancer dans une seconde le cas numéro 2, s'il vous plaît, Céline. Eh bien, c'est le cas d'Hervé. Il a payé presque 1000 euros pour une aire de jeu pour sa petite fille, et la commande est arrivée en retard et elle n'est pas complète. Alors, nous essayons, dans une seconde, nous allons appeler ce service. Je le redis, c'est comme ça fait partie des entreprises qu'on note super bien. On note super bien La Poste qui nous répond régulièrement. On note super bien AXA, Generali, dans les voitures, il y en a peut-être d'autres qui nous répondent. Volkswagen, Julien. Je suis ravi de le dire, moi je ne suis pas là. Moi, je préférais tellement avoir des bonnes nouvelles, je suis tellement fier quand une boîte me dit « Monsieur, on va régler le problème, on a fait une bêtise, ça peut arriver à tout le monde ». Celle-là en fait partie, c'est nos amis de VentePrivé.com qu'on a dû appeler 2-3 fois durant ces 5-6 dernières années et à chaque fois ça a été résolu. Et espérons que ça sera le cas cette fois-ci encore. À tout de suite sur RTL. Présence des tomates à l'issue de la première mi-temps, aussi bien tactiquement que techniquement, les tomates font rougir leurs adversaires. Farcis en salade à l'apéro, les tomates sont indétrônables. Et c'est la saison. Avec les tomates, partageons les plaisirs. Tous avec les bleus sur RTL. Thomas Hugues. La France en demi-finale, on y croit. Faites-nous rêver, entrez dans le grand livre de l'histoire des bleus. Uruguay-France, à vivre dès 15h30 sur RTL. En juillet, il y avait cette reprise de 4 300 € de tout ce qui roule pour l'achat d'une Opel Corsa, avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y aurais cru? Je veux dire, la mort d'Elvis, j'y ai pas cru, le monsieur sur la lune, j'y ai pas cru. Alors une reprise de 4 300 €, le complot, quoi. Et puis l'offre est passée, et depuis, bah, j'ai honte, quoi. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Leclerc. Chérie, jeudi, vendredi et samedi chez Leclerc, 50% de réduction sur la lessive Super Croix. Mais non. Et si, parfum Bora Bora, Brésil, Japon et Maroc. Les 5, 6 et 7 juillet chez Leclerc, le lot de 2 bidons de lessive Super Croix de 2,15 litres variété au choix, avec 50% de réduction immédiate, est à 8,19€, soit 1,90€ le litre. Voir modalité dans les magasins et drive participants et sur www.e.leclerc. Produits irritants, respectez les précautions d'emploi. 50% sur de la lessive Super Croix. Chez Leclerc et pendant 3 jours seulement. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Nous essayons sur le cas du petit mobilier de jardin pour enfants, j'appelle ça du mobilier de jardin, ça s'appelle une aire de jeu, une petite cabane avec une petite balançoire, c'est mignon comme tout d'ailleurs. Hein. Un toboggan. C'est vraiment un toboggan. Voilà, une petite maison. Et ça vaut 900€ l'histoire. Bah hein. Oui, oui. On essaie d'avoir un responsable chez nos amis de vente privée. On a peut-être un troisième cas qui va lancer. Vous vouliez dire quelque chose, Maître Nakovic? Non, Julien, pas du tout. Ah, vous me désiriez simplement. Parce que vous me regardiez avec insistance. Je pensais que c'était pour parler. Mais pas du tout. Ce n'était que du désir. Je regardais l'ordre dans l'injonction de payer de Sylvie. Donc on va évoquer tout à l'heure. Vous avez tout à fait le droit d'avoir du désir pour moi. Vous ne serez pas n'importe la première. Quoi. Nous allons. Quel prétentieux. La dernière, je crois qu'il y en a eu pour moi, c'était ma maman quand elle m'a vu naître. Après, ça a été terminé pour moi. Nous allons attaquer un troisième cas dans une seconde. Oui, c'est les dossiers de Sylvie. Une alerte, je suis désolée, ma petite Céline. Eh ben, l'alerte sur quoi? Sur le premier cas, on revient sur le problème. On a monsieur le maire, vous m'avez demandé de l'appeler, il est en ligne. Bonjour, monsieur le maire. C'est moi, je suis là. Je vous entends très mal, on va couper la musique, s'il vous plaît, parce qu'on entend très mal monsieur le maire qui. Comme il le fait chaque jour, fait sa visite quotidienne des égouts de Paris. Et visiblement, ça passe très mal. Vous m'entendez mieux ? Oui, voilà. Ça va bien là. Alors, monsieur le maire, là, je vous appelle au démoté. Vous ne savez absolument pas de quoi il s'agit. Vous seriez apparemment. J'ai gagné quelque chose ? Non, voilà, ça remet. Vous pouvez gagner ma considération et mon. Et notre c'est considération à tous. Alors, je vous explique. Vous seriez l'assureur d'un expert qui aurait fait une mauvaise expertise, qui aurait dit dans une maison avant que quelqu'un l'achète, les eaux usées et pluviales sont séparées. Or, elles ne le sont pas. Et je crois que c'est arrivé jusqu'à vous. Il y a un intermédiaire qui s'occupe de ça, entre vous et l'assureur, enfin, entre l'assureur et le client, le diagnostiqueur. Si vous pouviez jeter un petit coup d'œil et nous dire ce que vous avez sur ce sujet, ça serait formidable. Oui, bien sûr. Envoyez-moi le dossier tout de suite et je le regarde dans l'heure. Merci AXA qui donne à chaque fois une leçon de réactivité à la France. Je vous dis à très vite, monsieur le maire. Au revoir. Alors, nous allons en savoir plus très vite. Voilà, tout va bien Marine. Pour l'instant, le dossier se présente plutôt pas mal, d'accord ? Merci beaucoup. Regardez cette petite voix. Ça ne demande qu'à vivre, ça. Ça ne demande qu'à avoir une maison. Vous avez des enfants ? J'ai deux petits garçons, oui. Oh, qui joue dans les eaux usées. Oh, regardez-les, là, tous les deux. Oh, il a fait un château de... Mais c'est pas de sable. Oh, non, non. Marine, peu importe, on va régler ça. On va se retrouver dans quelques instants, donc avec un troisième cas. Qu'est-ce que nous avons à nous mettre sous la dent, Céline ? Le cas de Sylvie, en fait, c'est sa fille qui a quitté un logement. L'état des lieux était impeccable et pourtant, le dépôt de garantie est toujours en attente. 638€. Écoutez-moi ça, le temps qu'on règle ce dossier, en tout cas qu'on s'y attaque, c'est de la musique comme vous l'aimez sur RTL. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher. Tu Zazie, Speed. Zazie est de retour avec un tout nouveau titre, Speed, où elle s'adresse à son cœur. Un nouvel album de Zazie paraîtra à la rentrée. Attaquons maintenant un troisième cas. Pour cela, j'appelle sur l'antenne d'RTL Sylvie qui est avec nous. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Julien. La ligne n'est pas très bonne, ma Sylvie, non. Mais nous allons nous en contenter. Vous nous appelez d'où ? Voilà, je vous appelle du Loir-et-Cher. Alors, que se passe-t-il dans le Loir-et-Cher ? Eh ben, c'est pas, ça se passe pas dans le Loir-et-Cher, en fait. Ah. Ça se passe en Savoie. D'accord. J'ai ma fille qui a rendu son studio dans un état impeccable. Et l'état des lieux était conforme à la sortie, idem à l'entrée. Et la gestion du studio est gérée par une association qui, à ce jour, ne lui a pas restitué son dépôt de garantie. Alors, on va refaire une petite parenthèse sur les états des lieux, effectivement. Mmh. On rappelle que les deux sont importants, mais l'état des lieux de sortie peut donner raison au propriétaire ou au locataire, et l'état des lieux d'entrée également, c'est une règle d'or de Maître Nankovic. La règle d'or sur RTL. Si l'état des lieux d'entrée n'est pas fait, qui risque d'avoir des problèmes ? Le locataire, parce que les locaux sont censés être totalement parfaits. Si l'état des lieux de sortie n'est pas fait, qui risque d'avoir des problèmes ? Eh bien, le bailleur, qui malheureusement, effectivement, ne pourra rien reprocher, ne pourra pas justifier le paiement de facture, demander le remboursement de cette facture. Sylvie, est-ce qu'il y a eu un état des lieux de sortie ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a marqué tout le fameux RAS, RAS, qui veut dire rien à signaler ? Non, il est noté idem entrée. Donc ça veut dire idem entrée, c'est clair, c'est net, c'est précis, ça veut dire qu'il n'y a rien à payer. La caution est de combien ? Aucune réserve n'est faite. Voilà. Donc réserve n'est faite quant à l'État. Bon, parfait. Donc ils vous doivent la caution qui est de combien ? Qui est de 353 euros. Alors je vois qu'il y a une exécution de l'ordonnance. De quoi s'agit-il, Maître Novakovic ? En fait, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer qui apparemment n'a pas fait l'objet d'une opposition. Donc cette décision apparemment est définitive. Ça veut dire qu'elle peut la faire exécuter. D'ailleurs, Sylvie a saisi un huissier de justice qui tente d'exécuter cette décision. Bon, on va appeler cette association. Si tout le monde le veut bien, on marque une petite pause. Les numéros sont en attente. Ils sont prêts. Alors Charlotte, vous vous préparez à appeler cette association. Je ne vois pas pourquoi. Et ça se multiplie, ces dossiers de caution qui ne sont pas rendus dans un chien. Quand un locataire a payé ses loyers qui rend son appartement en bon état, arrêtez de garder comme ça les cautions. Vous avez le droit d'ailleurs, il y a un délai qui est légal. Tout à fait. Alors il y a ce délai qui doit être respecté. Dans les deux mois, on doit restituer effectivement la caution. Mais quoi qu'il arrive, là, on est en possession d'une décision non contestée. Elle est définitive. Donc ce n'est même pas contestable. On ne peut même pas accepter la moindre contestation si on l'appelle. Ça va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Le 9h30, 11h, l'émission qui règle les problèmes de ses auditeurs. C'est un service RTL. Merci d'être là. Vous avez des rêves de plein air ? Au Vieux Campeur vous équipe pour les réaliser. Que vous pratiquiez le trail, le running, le triathlon ou la marche nordique rapide, Au Vieux Campeur, la référence depuis toujours dans ses activités, est à vos côtés avec un choix considérable et des prix garantis au plus bas du marché. Au Vieux Campeur, né au Quartier Latin à Paris, vous invite à consulter auvieuxcampeur.fr pour découvrir ce qu'est vraiment Au Vieux Campeur, ce qu'il a de plus et de différent, et les adresses dans les autres villes. Au Vieux Campeur, vous équipe pour réaliser tous vos rêves de plein air. Bravo les Bleus! Pour fêter leur beau parcours, chaque jour de match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire des Bleus de 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Oui, 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Alors à vous de jouer. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Alice, qui fait ses courses dans un magasin U, discute avec le responsable du rayon fruits et légumes. Bah dites donc, ils sont beaux ces abricots. Mais bien sûr qu'ils sont beaux, et en plus leur prix est inratable. Des abricots origine France à 1,95€ le kilo. Alice s'exclame. 1,95€ ? Ah oui, vraiment, c'est beau. Enfin, c'est inratable. C'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants, voire liste sur magasinu.com. Abricots calibre 45-50. U. Commerçant autrement. Retour sur l'île. Le nouveau suspense de Vivek Asten. Que diriez-vous de retourner sur l'île suédoise de Sandam ? Avant d'accepter, faites bien attention, car les inspecteurs Thomas Andreasson et Nora Linde doivent faire face à une vague de meurtres plus glaçante que tout ce que vous pouviez imaginer. Retour sur l'île, le nouveau Vivek Asten, quand le plus glaçant des suspens va mettre le feu à votre été. Un livre Albin Michel. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Quand ma fille m'a dit « Maman, t'as vu, chez Carrefour, il y a la deuxième démarque des soldes avec jusqu'à moins 70% sur encore plus d'articles textiles. » Moins 70%? Mais faut absolument qu'on y retourne. Résultat des courses? Telle mère, telle fille. Les as du shopping, c'est nous. Les soldes continuent chez Carrefour. En ce moment, il y a jusqu'à 70% de remise immédiate sur encore plus d'articles textiles. Carrefour. Remise appliquée sur les prix pratiqués avant le début des soldes, valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasin participant sur carrefour.fr. C'est quoi cette bouteille verte, papy? Ça, c'est la nouvelle bouteille de gaz BioTwinny de Primagaz. Je pense à ton avenir tout en cuisinant mes brochettes au barbecue. Ah, c'est pour ça qu'on dit refaire le monde autour d'une bonne bouteille, alors? Exactement. BioTwinny, une exclusivité Primagaz Next dans votre point de vente habituel. Informations et conditions de l'offre sur primagaz.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous allons donc appeler déjà une première bonne nouvelle. Rappelez-nous le cas de l'aire de jeu. Oui, alors c'est Hervé qui nous appelle parce que pour faire plaisir à sa fille de 2 ans et demi, il a commandé une aire de jeu sur un site internet. Le tout a coûté presque 1000 euros, mais la commande est arrivée incomplète. Eh bien, nous pourrions avoir dans quelques instants, Charlotte, écoutez bien, le cofondateur de VentePrivé.com qui tient personnellement à savoir ce qui se passe pour éventuellement régler le problème. Charlotte, c'est ça, on l'aura tout à l'heure? Oui, il est en ligne avec nous, vous le prenez quand vous voulez. Ah, il est là. Il est là. On le prend tout de suite. Bonjour, monsieur Court. Bonjour, Julien. Comment allez-vous? Très, très bien. Merci beaucoup. Vous voyez, je me suis engagé en disant, vous allez voir qu'ils vont répondre tout de suite parce que la priorité, c'est la satisfaction du client et je ne m'étais pas trompé. Rien de très, très grave. Une aire de jeu grand chêne qui a été commandée par un auditeur. Alors, maître Felloneau, quels sont les petits problèmes? Alors, la commande est arrivée incomplète. Il manque quelques vis et 2 ou 3 planches pour pouvoir la monter. Or, votre site lui propose un remboursement partiel d'ailleurs, car les frais d'expédition qui sont de livraison, qui sont de 159 euros, ne seraient pas remboursés en totalité. Alors il n'est pas content et lui, il veut absolument que la commande lui soit fournie en totalité. Mais est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a une rupture de stock? On ne sait pas. Ça, je ne sais pas. Justement, c'est au site de nous le dire. Xavier. Hein. Alors, je présente mes excuses et je suis sincèrement désolé pour cette petite fille parce que j'imagine bien qu'elle attendait son aire de jeu complète et c'est bien normal. Je peux pas vous répondre là comme ça tout de suite immédiatement. Ce que je peux vous dire, c'est que après avoir accroché avec vous, je vais appeler immédiatement le responsable du service client et on va tout faire pour régler le problème de cette membre, bien évidemment. Et je suis pas inquiet parce que ça fait plusieurs fois que vous avez d'ailleurs le prix du meilleur service client en vente en ligne. C'est la vérité. On est là pour dire aussi ce qui se passe. Bon, donc c'est gentil de dire ça, mais je vous garantis, personnellement, je m'en occupe tout de suite. Je suis vraiment désolé parce que c'est pas normal. Le client vous écoute, Hervé. Maintenant, on livre sans plus de 150 000 clients tous les jours, donc il peut arriver qu'il y ait un souci. Ça serait mieux que ça n'arrive jamais, mais ça peut arriver. Donc je vous remercie de m'avoir prévenu. On va le régler sans aucun problème et sans aucun délai. Vous avez un retour de notre part dans l'heure qui vient. Hervé, vous avez entendu? Oui, par contre, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je vous en prie. En fait, il y a un problème sur l'aire de jeu, qui est donc le manque de pièces. Et il y a aussi le fait que c'est un ancien modèle qui a été livré. Hervé, puis-je me permettre de vous dire quelque chose? Oui. Le vice-président va aller dans son bureau. Là, on l'a pris sur son scooter. Il n'est au courant de rien. Il va réunir, savoir qui s'occupe de ça. Et je vous garantis, et je vous la paierai moi-même, si ce n'est pas le cas, que vous allez avoir quelque chose de conforme. Je vais faire contacter Hervé ce matin. Non, conforme, c'est sûr que c'est conforme. Après, conforme à sa commande, oui. Oui, vente privée, on vend toujours des modèles, les modèles qui de la saison d'avant, la plupart du temps. Mais je vais vérifier ce point-là aussi, on va tout vérifier. Et Hervé, ne s'inquiète pas, il sera contacté dans l'heure qui vient. Si vos services peuvent, quand on aura fini l'antenne, peuvent me donner les coordonnées d'Hervé. Non, on va vous donner ça hors antenne tout de suite. Voilà. Je le fais contacter immédiatement et on va régler son problème. Je m'y engage personnellement. Et maître Novakovic, je tiens à vous signaler qu'elle vous a encore laissé beaucoup d'argent cette année parce qu'elle commande en permanence chez vous. Je suis une grande fan. Qu'est-ce que vous avez acheté récemment? J'ai commandé je ne sais plus. Je commande tellement. Mais quoi, des fringues, de tout? De tout, j'adore. Voilà. Donc, je m'attends de faire des courses. Merci parce qu'après elle me demande des sous en plus à moi parce que je ne suis pas assez payé avec tout ce que je dépense à votre prix. Mais j'ai pas le temps de faire de cours, donc du coup par internet c'est parfait. Merci vraiment. Et je voulais remercier aussi Hervé de sa confiance et qu'il s'inquiète pas, on va régler ça. C'est la philosophie de mon privé, on l'a toujours. Mais je le dis souvent pour la société AXA, je le dis pour plein de grandes sociétés, ça fait plaisir parce qu'encore une fois l'erreur zéro n'existe pas, même nous RTL on se plante, mais ça fait plaisir quand un patron prend le téléphone et dit voilà monsieur vous avez un souci, je vais vous le régler dans l'heure. Ça c'est magnifique. Merci vente privée. radio-scoop.com. Bonne journée. Merci, à bientôt. Vous récupérez l'appel et vous donnez les coordonnées. Xavier, oui. Hervé, soyez rassurés. Vraiment, là, je suis archi confiant. Vous allez être bien traité. Si ce n'est pas le cas, vous me rappelez. D'accord ? D'accord. Ben, merci beaucoup, Julien. Merci, l'équipe. Je vous en prie. Bon, eh bien, c'est parfait. Un petit point info et on attaque les nouveaux dossiers. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Marine. Les tuyaux débordent chez elle. Le système d'évacuation des eaux n'est pas aux normes. Concrètement, les eaux de pluie et les eaux usées vont au même endroit. Premier diagnostiqueur qui aurait fait une bêtise était en moto. Qui aurait, hein, je mets vraiment ça au conditionnel. Deuxième expertise, ils ne sont pas là non plus. On attend qu'ils nous rappellent. Propriétaire, pour l'instant, il ne répond pas. Mais nous avons contacté la grande assurance qui assurait le premier diagnostiqueur. Oui, en responsabilité civile professionnelle. Vous savez qu'il faut avoir, lorsqu'on fait une activité, être assuré puisque ses fautes, ses propres fautes peuvent avoir des conséquences et un assureur sera là pour les prendre en charge. L'Hervé, vous venez de l'entendre à l'instant, sera livré par venteprivée.com dans les meilleurs délais. Je suis sûr qu'on va lui faire un truc formidable pour que ses enfants puissent jouer dans le jardin. Troisième cas arrive dans une seconde. Il nous a été raconté il y a quelques instants. C'est ce cas, maître Novakovic, de caution qui vous énerve parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas rendre la caution. Expliquez aux auditeurs. C'est très énervant en ce sens qu'il y a une ordonnance d'injonction de payer. Elle a été signifiée. Il n'y a pas eu d'opposition, la décision est devenue définitive, donc il n'y a pas de raison de s'y opposer, ça doit être réglé. Et en plus, ce n'est même pas l'intérêt du débiteur, puisque les intérêts continuent de courir. Alors nous allons les faire arrêter de courir, pour qu'ils se reposent sur le bord de la route, et nous occuper de ce cas. Tous vos problèmes, location, propriétaire, caution, tout ce que vous voulez, 3210, c'est le standard d'RTL. Sur RTL. Les femmes prennent le pouvoir dans La Bonne Heure. Avec Stéphane Bern. On aime aussi les écouter sur RTL. L'été, on peut même les écouter à la plage. Ce matin, à 11h, je serai avec les jolies voix qui vont accompagner votre été. Christine Kelly. Youpi ! Stéphanie Loire. Bonjour. Bérénice Bourgueil. Bonjour. Et Luana Belmondo. Ciao, ciao. Alors rendez-vous tout à l'heure à 11h pour la dernière de la saison avec Christine Kelly, Stéphanie Loire, Bérénice Bourgueil et Luana Belmondo. Leclerc. Papa, tu fais quoi là ? Une petite partie en solo de Crash Bandicoot sur ma nouvelle console Nintendo Switch. Je le crois pas. Du 3 au 14 juillet, l'ensemble console Nintendo Switch et jeux Crash Bandicoot est à 321,94€ chez Leclerc, dont 60 centimes d'éco-participation. La console vendue seule est à 292,49€, dont 60 centimes d'éco-participation. Et le jeu vendu seul est à 29,45€, dans la limite des stocks disponibles, voire modalité dans les magasins participants et sur www.culture.leclerc. On se fait une petite partie ? Conforama, le confort pour tous. Quand on négocie moins 50% sur l'ensemble Mérinos Trio 140 cm, matelas, sommier et deux oreillers à 459€, on pense à tous ceux qui exigent la qualité. À prix douillet, Conforama. Jusqu'au 30 juillet, conditions en magasin et sur conforama.fr. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. C'est quoi le nom de cet arbre, papa ? C'est un frêne. Et là, juste à côté, c'est un saule. Et ces plantes qui flottent ? Ce sont des nymphéas. Ils vont bientôt fleurir, c'est la saison. Et là, sur le bord ? Ah là, c'est un vieux bidon en plastique vide, qui devait certainement contenir un détergent. On en trouve beaucoup par ici. Depuis plus de 20 ans, l'opération Nettoyons la Nature aide à protéger l'environnement. Mais il reste beaucoup à faire. Pour y participer, inscrivez-vous avant le 15 août sur nettoyonslanature.leclerc. Ensemble, protégeons notre environnement. Leclerc. T'as vu les voisins ? Ils se sont achetés un Nissan Qashqai. Je sais, avec 4 caméras pour se garer. En attendant, ils sont pas prêts de partir en vacances. Mais si, ils partent demain. Nissan leur offre les 3 premiers loyers. Côté budget, ils sont tranquilles, hein ? Puis ils vont encore nous demander d'arroser leurs plantes. Vous aussi, avant de partir en vacances, profitez des 3 mois de loyer offerts sur les crossovers Nissan Qashqai, Juke et X-Trail. Dépêchez-vous, c'est en ce moment seulement. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison si accordiac jusqu'au 31 juillet. Détails sur Nissan.fr. Si je vous dis côte à peine rosée sur le grill, vous le sentez le barbecue là ? Une côte accompagnée de sa douce moutarde, vous me dites ? Ah, du veau, c'est bon ! Et si je vous dis terrasse ensoleillée, retrouvailles entre amis, mais surtout plaisir des papilles, vous me dites ? Ah, du veau, j'en veux ! Côte, brochette ou saucisse de veau, cet été, soyez créatifs autour du barbecue. Bravo le veau ! Plein de recettes sur bravolevo.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Dans le 9h30-11h RTL, nous appelons donc l'association, car Sylvie a un problème avec elle. Oui, tout à fait. Sa fille, en fait, a quitté un appartement. L'état des lieux de sortie était conforme à celui d'entrée. Et pourtant, la caution, eh bien, n'est pas rendue. Eh bien, c'est parti. Nous appelons donc du côté de Chambéry. L'association doit rendre maintenant, en plus il y a eu une ordonnance de payer, je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas. Mais il y a peut-être une bonne explication qui va nous être donnée dans une seconde. On commence par la gestionnaire de résidence. Très bien, Christine, est-ce que Christine est là? Pour l'instant elle ne répond pas. Allô? Le bureau est ouvert de 8h à midi, laissez-moi... Ah ben on est en plein dedans. Bon, malheureusement, coupé. On n'a rien d'autre ? Si, on a un deuxième numéro, on va aller directement au siège. Allez, c'est parti, on appelle au siège de l'association maintenant. Où j'espère avoir quelqu'un. On demandera Julie. Là, on était à Chambéry. On part à Saint-Denis, juste à côté de chez nous. Bienvenue chez Parme, le spécialiste du logement temporaire meublé. Ce service vous sera facturé au prix de 6 centimes en plus du coût d'un appel local. Bienvenue chez Parme, ça pouvait être ça. Ne rigolez pas bêtement, maître Fellono. Il y avait quand même une chance. Vous m'en mettrez 3 tranches. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Il y a un jambon là qui est extraordinaire. Comment il s'appelle ? C'est le Rabougo. Pata Negra. Ah, le Pata Negra. Oh là, il fond dans la boue, mais c'est très cher. Pour une information sur votre contrat, tapez 1. Vous récupérez l'appel, ma Charlotte, et vous me faites une petite alerte dès que quelqu'un répond. Pour notre amie Sylvie, on va passer à l'arnaque en temps réel dans quelques instants. On peut la faire tout de suite. Alors on y va, c'est parti. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30-11h sur RTL. Selon le journal La Nouvelle République, un bureau de change à Tours. Ah, une alerte, je suis désolé. Que se passe-t-il, Charlotte, s'il vous plaît ? Nous avons l'association Parme en ligne. Allô, l'association Parme ? Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL, je suis au siège. Oui, vous êtes au siège, mais vous êtes vraiment Julien Courbet. C'est vraiment moi, madame. Je suis avec Maître Novakovic qui vous dit bonjour. Bonjour, madame. Maître Fellono. Bonjour, madame. Et nous avons également une de vos clientes dont la fille a quitté l'appartement et on ne lui rend pas sa caution alors que l'état des lieux est nickel et qu'il y a eu une exécution d'ordonnance pourtant de paiement et elle n'arrive pas à le récupérer. Est-ce que Julie Rodriguez là, par exemple ? Un instant, s'il vous plaît. Merci, madame. Alors, elle va aller chercher cette personne. Vous récupérez, Charlotte. Pendant ce temps-là, je reprends mon récit. Selon le journal La Nouvelle République, un bureau de change à Tours a constaté ces derniers jours qu'une dizaine de personnes ont été bernées avec des billets hongrois et roumains. Ces personnes ont toutes voulu secourir un automobiliste en panne sur une route départementale. À chaque fois, le propriétaire du véhicule implorait qu'on lui avance un plein d'essence dans une station un peu plus loin. En contrepartie, il remettait une liasse de billets en provenance de pays d'Europe de l'Est. Les centaines de florins hongrois ou les milliers de lei roumains, on dit lei, L-E-I, roumains, oui, qui étaient remis pas. Valaient au mieux quelques euros. Et le plus souvent, ces billets n'étaient même plus en circulation et donc plus échangeables. Mais ils sont incroyables, ces gens-là. Ils ont une imagination, ils se mettent sur le bord de la route. J'ai plus d'essence, il faut que j'aille retrouver ma femme, ma fille, payez-moi un plein, mais tenez, je vous donne de l'argent, parce que j'ai que de l'argent hongrois. On se laisse apitoyer. Oui. Et on c'est incroyable, cette histoire. Oui, alors c'est pour ça que la police incite les gens à déposer plainte, se disant, c'est un petit litige, etc. Non, alors moi, vraiment, je redis aux auditeurs, allez déposer plainte, même pour une petite somme, parce que quand vous cumulez les plaintes, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir bouger le procureur de la République. Ouais. C'est en tout cas, réseau, voilà, un réseau qu'on peut démanteler. C'est dingue, bien ça. Hein, c'est dingue. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Nous reviendrons sur le cas d'Hervé. Oui, Hervé et son vélo, souvenez-vous, un vélo électrique à plus de 5000 euros, mais un vélo qui ne roule pas. Ah mais c'est vrai, je m'en rappelle, ils n'ont toujours pas. Ah, bah on va voir ça dans quelques instants, il y a un peu de suspense, cher, on va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, le temps de nous écouter ce petit titre. En vous souhaitant le plus beau des étés, on sera là mes amis, ça c'est la bonne nouvelle, on rempile. Je crois que c'est à partir de fin août qu'on va repartir pour un an. Donc sachez que si pendant vos vacances il y a un souci, laissez le message sur le 3210, voilà ce qui m'arrive en vacances, à peine rentré, on peut tenter de vous avoir votre indemnisation. Merci à vous. J'ai la montre arrêtée, je sais même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Regardant le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, besoin de se presser. Radio libre allumée, top, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le tube de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel bleu des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. Vacances, j'oublie tout.

Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec le retour sur le cas d'Hervé et son vélo électrique, Céline. Oui, Hervé avait commandé un vélo électrique à presque 5000 euros. Le problème, c'est qu'il ne fonctionnait pas. On lui a changé trois fois quand même. Alors, maître, et oui, il ne fonctionne toujours pas. Vous étiez sur le coup, maître Novakovic, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors effectivement, dans ce cas précis, il n'avait malheureusement jamais utilisé ce vélo. Il l'avait payé très cher. Ouais. Et donc, c'est vraiment pas normal. Il doit être remboursé. Ils lui ont proposé un avoir. Ils lui ont dit, écoutez, on va l'échanger. Le siège était d'accord pour rembourser, mais oui, pas le... Voilà. C'est ça. Donc, c'est pas normal, lui. Non, moi, remboursez-moi. Voilà. Et on était assez étonnés parce que c'est vraiment une grande marque de vélo. Je le redis, je ne sais pas si le cas va s'arranger ou pas. Je n'ai jamais acheté de vélo chez eux, mais j'ai plein de copains qui sont des fous de vélo, oui, et qui se servent là-bas parce que c'est une sorte de référence dans le monde du vélo. Alors, qui peut nous donner des nouvelles? C'est vous, Céline. Oui, alors, pendant l'émission, on avait réussi à joindre quelqu'un en magasin Culture Vélo qui souhaitait donner un avoir ou un remboursement à notre auditeur. Nous n'étions pas d'accord, donc nous avons contacté hors antenne le directeur de la communication de cette marque qui devait reprendre contact avec Hervé, notre auditeur. Est-ce que Hervé est en ligne avec nous? Hervé, bonjour. Oui, bonjour Julien. Bonjour à toute l'équipe. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Je note en même temps. Donc, moi, on avait eu M. Géré de Culture Vélo au siège qui devait me rappeler. Je n'ai pas eu de nouvelles de M. Géré. Ah. Et je n'ai pas eu de nouvelles non plus du magasin Culture Vélo. Donc aujourd'hui, je n'ai ni remboursement ni nouvelles. Il n'y a pas grand-chose de Culture Vélo. Eh bien, nous lançons donc l'appel au siège pour essayer d'avoir une nouvelle fois le directeur de la communication. En fait, Cycle Lab pour Culture Vélo, tapez. C'est Monsieur Géré. Hein. Oui, Monsieur Géré. Il le sait pas a priori. Pour l'animation réseau. Oh, écoutez, non, ça va. Excusez-moi. La communication et le marketing. C'était un grand chanteur. On lui doit Géré. Revoir ma Normandie. C'est la paix qui m'a donné la vie. Cycle Lab, Marlène, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Est-ce que monsieur Géré est là, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas. Merci madame, bonne journée. Bonne journée. Nous essayons donc d'avoir monsieur Géré. Vous le récupérez, Bernard. Dès que vous l'avez, vous me basculez sur l'antenne. Nous essayons de trouver le numéro de la marque Giant Bicycles. J'ai monsieur Géré, Julien. Ah, monsieur Géré, bonjour. Bonjour. Je suis navré de vous déranger, monsieur Géré. Julien Courbet, de nouveau, l'antenne d'RTL. On s'était, je crois, parlé en antenne concernant le cas de Hervé qui avait acheté ce vélo qui est tombé en panne au bout de 100 mètres et apparemment, on ne voulait pas lui rembourser parce qu'il y a eu plein de soucis. Et vous aviez dit que vous repreniez un petit peu contact avec lui pour avancer. Est-ce que vous avez pu le faire? Alors, on a fait différentes choses. Je pense qu'il y a tout un dossier qui a été pris en charge avec notre service animation réseau, avec le magasin. Visiblement, il y a des choses qui n'ont pas abouti. Après, l'acheteur du vélo, on l'a pas eu dans la foulée, effectivement. Ah, alors, est-ce que vous pouvez le tenir un peu au courant? Parce qu'il a été cool quand même. Il est rentré dans un magasin Culture Vélo, il a fait un chèque de 4 999 euros, c'est pas rien. En avril, 100 mètres après, en avril 2017, 100 mètres après, ça tombe en panne, il a toujours pas son vélo, donc là, essayez de rassurer. Il y a eu différents échanges. Alors, moi, honnêtement, il a été réparé trois fois. Oui, il a été réparé trois fois. Il y a eu des différentes solutions qui ont été mises en avant par le magasin. Différentes solutions, avec notamment un échange prévu avec un upgrade, on va dire un vélo plus haut de gamme que ce qu'il avait eu initialement, sans surcoût ou quoi que ce soit. Oui, mais le problème, c'est que ça, vous lui avez proposé... Pas du tout. Alors, attendez, c'est Hervé qui parle. Allez-y, Hervé. Non, il n'y a pas eu d'upgrade. Vous avez reçu un courrier recommandé sur ce vélo-là. Non, vous l'avez eu. J'ai acheté un vélo avec une batterie. Hein, parce que ça a été négocié, il y avait une batterie supplémentaire. Ce qui m'a été proposé, ce n'est qu'un vélo sans la batterie, au prix identique à l'achat, c'est-à-dire 4 999 euros. Il ne m'a pas été proposé un meilleur vélo. J'ai fait la remarque comme quoi il y avait une batterie. Mais le courrier vous a été adressé, vous l'avez. Oui, avec un avoir. Vous avez eu le magasin et vous avez eu des gens du service animation réseau par échange de mail. C'est vrai ou pas? Non, ne dites pas ça. Vous avez eu des échanges. J'ai les mails en copie. Vous avez eu des échanges avec nous, vrai ou pas? Non, j'ai eu des échanges. Hervé, s'il vous plaît, c'est moi qui reprends la parole. Hervé, il y a eu des échanges. Oui, ce débat est stérile, on se moque qu'il y a eu des échanges ou pas. Il y a eu des échanges. Mais si, il est stérile, je vais vous dire pourquoi. Vous allez me dire, écoutez-moi, monsieur, soyez sympa, monsieur de Culture Vélo, dites-moi simplement. Alors, écoutez-moi. Alors, on y va, ça marche. Est-ce qu'il a payé, oui ou non, le vélo 4 999 euros? Oui. Alors, ça, oui. Voilà. Est-ce qu'il est tombé en panne rapidement? Oui. Est-ce qu'il a été réparé? Est-ce que le magasin a fait des essentiels? Ce n'est pas la question, mais monsieur, oui, vous voyez, vous essayez à chaque fois de noyer le poisson, répondez à mes questions. On dirait que vous avez peur de répondre à mes questions. Laissez-moi vous poser des questions. Je reprends mes questions, répondez-moi par oui ou par non, et après, je répondrai au vôtre. Sans aucun problème. Allez, on y va. Donc, je pose des questions, et après, c'est vous qui les posez. Il l'a payé 4 999 euros. Il est tombé en panne au bout de 100 mètres. Au total, là-dessus, on l'a repris pour réparation, on lui a prêté un vélo identique qui est retombé en panne. Au total, le vélo a été réparé 3 fois. Aujourd'hui, et donc il a été échangé. C'est ce que j'ai dit. 3 fois, il est tombé en panne. Un vélo à 4 999 euros. Aujourd'hui, il en a ras-le-bol. C'était un truc qu'il voulait se payer, c'est un beau cadeau. Il vous dit, ça suffit, reprenez-le et remboursez-le-moi, il ne meurt jamais. Voilà, maintenant, vous avez appelé plein de fois, 10 fois, 100 fois, peut-être 1000 fois, en lui disant, on vous fait un avoir. Lui dit, je ne veux pas d'avoir, j'en ai marre, je ne fais plus confiance, ça ne marche jamais. Donc, remboursez-moi. Voilà où on en est, monsieur, on ne dit rien d'autre. Et puis, c'est contraire à la loi, votre position, monsieur. Je vous rappelle quand même que vous avez, selon l'article L217-9 du Code de la consommation, 30 jours pour soit réparer... C'est l'avocate de l'émission, l'avocate. Oui, bonjour monsieur. Vous avez 30 jours pour soit réparer, soit remplacer un bien qui n'est pas conforme à celui qui était vendu. Vous ne l'avez pas fait dans les 30 jours, vous devez obligatoirement rembourser. Attention, il y aurait une alerte. On parle, je le rappelle, d'un vélo à 5000 euros. Ce monsieur, notre auditeur, n'est pas riche. Il se fait plaisir, je crois, pour son bon temps. C'était son rêve. Et effectivement, il a payé un vélo électrique et le moteur a cassé 3 fois en l'espace de 2 mois. Eh bien, nous risquons avec vous, Bernard, d'avoir quelques rebondissements. Qui va être au téléphone dans une seconde? Directeur technique, service après-vente, monsieur Fraval de la Giant. Alors, Giant, c'est le fabricant. Donc, ça veut dire que normalement, Culture Vélo a appelé le fabricant en lui disant « On a un souci, comment on fait marcher le service après-vente ?» Voyons ce qu'il va nous dire. À tout de suite sur RTL. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, bénéficiez de 10 euros en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur la déco, le son, l'informatique et même l'électroménager. Et profitez-en vite, c'est seulement jusqu'au 12 juillet. Conforama, conditions magasin et sur conforama.fr. Chaque été, c'est la même chose. Je change de rythme, d'alimentation et mon transit se met au ralenti. J'ai trouvé ma solution naturelle avec fruits et fibres des laboratoires Ortis. Des figues et de la rhubarbe pour retrouver un transit régulier. À moi l'été en toute légèreté, avec fruits et fibres. Pour profiter de l'offre satisfait au remboursement, rendez-vous jusqu'au 31 août en pharmacie et sur offrefruitsetfibres.fr. Pour votre santé, bougez plus. Chez Verisure, nous savons qu'un cambriolage sur 3 a lieu pendant les vacances. Oh, t'entends ça? 1 sur 3, quand ils pensent, c'est angoissant pour les gens qui n'ont pas d'alarme. Ça doit leur gâcher les vacances. Alors que nous, avec Verisure, on dort tranquille. Ah carrément, tu ronfles. Pour partir tranquille en vacances, rendez-vous sur verisure.fr. Votre alarme avec protection 24h sur 24, c'est sûr, c'est Verisure. J'aime les plages désertes. Me retrouver seul face à l'immensité de l'océan. Et partir en jet ski à fond dans les vagues. Alors les dauphins, on fait la course? Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 euros, Chris vous offre la deuxième. Classique ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours. Conditions en magasin ou sur Chris.com. Avec Auchan, les bons plans s'invitent chez vous. Sans vouloir me faire mousser, j'ai vu une super promo sur la Kronenbourg chez Auchan. Eh oui, les 6 et 7 juillet dans vos magasins et au drive Auchan, mais aussi chez Simply Market, pour l'achat d'un pack de 26 bouteilles de 25 centilitres de Kronenbourg, le deuxième pack est à moins 60%. Et ça fait 7,49€ le pack au lieu de 10,70€. Avec Auchan, c'est toujours la saison des bons plans. Soit 1,15€ le litre, pack vendu seul, 10,70€. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mais c'est quoi tous ces cartons? J'ai rangé nos affaires. Regarde, là c'est le carton des chaussures. Ça c'est pour les manteaux. Et ils sont où mes maillots? Ils sont là. Ah non, ça ce sont les sacs. Ah oui, c'est les sacs. Et si on installait un dressing? Carrément? Ouais, ça tombe bien, jusqu'au 28 juillet, il y a 10% de réduction en bon d'achat des 60 euros d'achat chez Weldom. Et c'est maintenant que tu me le dis? Weldom, ensemble c'est mieux. Voir conditions et magasins Weldom participants sur weldom.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous revenons sur ce cas incroyable qui nous paraît simple et qui est terriblement compliqué pour l'achat d'un vélo à 4 999 euros. Un plaisir qu'il voulait se faire sur son son bon temps, il a économisé pour ça et c'est un fiasco. Céline. Oui, c'est un vélo qui a été acheté en avril 2017 et pourtant trois réparations, trois vélos différents et ça ne fonctionne toujours pas. Alors nous avons appelé Culture Vélo, le magasin qui dit moi je fais un avoir mais je rembourse pas. Maître Félono, vous me certifiez, vous le redites une nouvelle fois que la loi oblige au remboursement. Mais bien entendu, c'est l'article L217-9, réparation ou remplacement dans les 30 jours. Nous avons appelé le directeur de la communication du groupe Culture Vélo qui nous a dit « Je mène mon enquête, je m'en occupe ». On l'a rappelé tout à l'heure en lui disant « Où en êtes-vous de votre enquête ?» et apparemment, rien ne s'est passé. Et là, petit rebondissement, parce qu'il y a quand même le constructeur. En général, quand vous achetez comme ça dans un magasin et qu'il y a une panne, tout de suite le magasin se tourne vers le constructeur pour voir où sont les garanties. Information croustillante. Alors, qui avons-nous ? Carrément le directeur technique des services après-vente de Giant, Monsieur Fraval. Bonjour Monsieur du service après-vente, Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL. Vous êtes de chez Giant, je crois ? Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur, sur ce dossier, s'il vous plaît ? Alors, la première chose, en fait, sur ce dossier, c'est qu'on l'a découvert en même temps que vous, avec l'intervention de votre consommateur, dans le sens où le magasin n'a fait aucune démarche auprès de nos services, de notre service après-vente pour pouvoir intervenir sur le vélo. Alors, nous, on n'est pas du tout au courant de ça. Ça, c'est une première chose. Est-ce que vous étiez au courant, monsieur Géré, que même le fabricant n'était pas au courant du problème ? Concrètement, non. Non. Mais ça, c'est donc ça risque pas de se réparer si, quand on n'arrive pas à le réparer, on n'appelle pas le fabricant en lui disant on a un gros problème sur ce vélo, on ne peut pas le réparer. Alors, deuxième point, monsieur le Giant. Ça se passe pas comme ça. Oui, donc la démarche du consommateur, effectivement, elle est d'aller voir le concessionnaire qui va nous demander, en fait, d'intervenir sur le vélo. Nous, à partir du moment où on a les informations, on essaye de résoudre son problème, soit effectivement le consommateur est aussi en droit légalement de pouvoir se faire rembourser le vélo sous le délai légal. Exactement, le délai légal, monsieur de Culture Vélo. Il y a un délai légal, donc, on n'y est pour rien, c'est la loi. On ne comprend pas pourquoi on pense. Et pas de faire un avoir. Toujours est-il, à partir du moment où on prend connaissance d'un problème en service après-vente, automatiquement, nous on met en route soit une intervention technique, ça marche. Soit le remboursement. Bernard, on a des connaissances assez suffisantes pour ça. Bien sûr, Bernard. Autre élément, Julien, il n'y a pas eu de contrat renouvelé de la part de Culture Vélo avec Giant, donc peut-être c'est aussi ça la problématique. Ah, vous travaillez plus avec Giant, c'est ça ? Une question, parce que moi je suis juste un intermédiaire entre le magasin, la marque et le consommateur. La marque confirme qu'il n'y a pas eu d'échange sur ce dossier. Rien du tout. Rien. Ils ont été au courant quand RTL s'en est occupé. Donc ça veut dire qu'on a peut-être aussi raconté une histoire au client qui est peut-être pas la bonne. Ah, mais c'est qui l'interlocuteur chez Giant, du coup ? Qui êtes-vous, monsieur, de chez Giant ? Je suis monsieur Fraval, le responsable technique de la marque. Le responsable technique de la marque. Vous n'avez pas de dossier en cours sur ce client et sur ce magasin. Et vous n'avez pas de dossier en cours sur ce client ? Non, pas du tout. Voilà. Si on regarde dans les mails du magasin, on ne verra rien. Oui, mais enfin, vous lui avez posé la question, parce que vous n'avez pas lui reposé trois fois. Soit il ment, soit il ment pas. Vous n'allez pas lui poser. Si je vais voir dans l'ordinateur, si je regarde le texto, il vous dit qu'il n'a pas de dossier, il n'a pas de dossier. Maintenant, il est peut-être en train de nous mentir. Mais il vous a dit non. Donc, vérifiez-vous. Je suis juste là pour avoir des faits. Voilà. Donc, monsieur de Culture Vélo, ce que je vous propose, c'est vous regardez si effectivement il y a eu un dossier ouvert auprès de chez Giant ou si on a raconté à l'auditeur qu'il y en avait. S'il n'y en a pas, soyez sympa, parce que là, je trouve que c'est pas en image terrible pour Culture Vélo ce qui est en train de se passer. Apparemment, Giant nous dit qu'il ne distribue même plus les vélos chez vous maintenant. Donc, soyez sympa, arrangez-nous le coup. On est d'accord et on est là pour trouver une solution. Bien sûr. Parce que ce client n'est pas content. On comprend que la problématique, elle est. Voilà, techniquement, il y a aussi une défaillance quelque part de ce système-là. Et lié à ce vélo-là, nous on est là pour retrouver une solution. Mais c'est pour ça que je vous appelle, mais ça bouge pas. Vous n'avez même pas appelé Giant. La dernière fois je vous ai eu en ligne, je pensais que vous alliez mener une petite enquête, appeler Giant et tout, mais vous les avez pas appelés. Je sais pas quelle enquête vous avez menée en interne. Vous n'avez même pas appelé le constructeur. Et moi qu'on le fait, mais tout n'est pas simple. Donc nous, regardez à quel point c'est simple. J'ai donné un coup de fil là en 2 minutes et j'ai eu la réponse. Il suffisait de prendre son téléphone, monsieur. Non, j'ai pas eu de notoriété. J'ai appelé Giant, j'ai dit passez-moi le responsable technique, c'est Bernard Sabat qui l'a fait. Ça a pris 30 secondes sur mon portable. Et on l'a même pas fait l'antenne. Allez, monsieur, vous êtes des gens sérieux, prouvez-nous que vous êtes sérieux et on n'en parle plus. Hervé, oui. Julien, moi ce que j'aimerais dire, c'est quand même que j'ai eu une saison 2007 qui était pourrie parce que le vélo n'a pas fonctionné et qu'aujourd'hui j'ai une saison 2018 qui est à moitié passée sans vélo électrique. Donc. Non, mais surtout quand on met 4000. Le chapeau dit on va trouver une solution, on ne la trouve pas. Non, mais là je vais vous dire, franchement. Il faut juste avoir les éléments et tous les éléments. Oui, vous appelez. Je peux vous donner les coordonnées de Giant. Là, il est en ligne, j'ai son numéro. Vous l'appelez, il va tout vous dire, numéro de code, machin, compagnie. Et on n'en parle plus. Élément ou pas élément, ce vélo est sous garantie, monsieur le vendeur. C'est vous qui devez rembourser. Et vous aurez peut-être un recours contre le fabricant. Allez. C'est votre affaire. Merci de nous parler, en tout cas, monsieur Géré. Et merci à ce monsieur de chez Giant. Oui. À tout de suite sur RTL. T'as vu les voisins ? Ils se sont achetés un Nissan Qashqai. Je sais, avec 4 caméras pour se garer. En attendant, ils sont pas prêts de partir en vacances. Ah, mais si, ils partent demain. Nissan leur offre les 3 premiers loyers. Côté budget, ils sont tranquilles, hein. Puis ils vont encore nous demander d'arroser leurs plantes. Vous aussi, avant de partir en vacances, profitez des 3 mois de loyer offerts sur les crossovers Nissan Qashqai, Juke et X-Trail. Dépêchez-vous, c'est en ce moment seulement. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison si accordiac jusqu'au 31 juillet. Détails sur Nissan.fr. Bravo les Bleus! Pour fêter leur beau parcours, chaque jour de match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire des Bleus de 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Oui, 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Alors à vous de jouer. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. J'ai envie de fruits en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Ah, goûtez-moi ces cerises, Michel. C'est la saison et en plus, elles sont origine France. Bien croquantes, bien charnues, un délice. Eh oui, ce sont nos cerises rouges à la chair ferme. Et jusqu'à demain chez Carrefour Market, elles sont à seulement 4,49€ le kilo. Et ça, c'est idéal devant un bon match. Oh mais c'est super comme programme, je vais faire comme vous. Carrefour Market. Calibre 26 et plus, catégorie 1. Magasin participant sur carrefour.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Quelle émission ! Ça bouge de tous les côtés, que se passe-t-il Charlotte ? On revient sur le cas de Sylvie, vous savez, sa fille a quitté un logement, elle n'a toujours pas eu sa caution restituée. Eh bien, j'ai eu en ligne Madame Rodrigue, Julie Rodrigue, secrétaire générale de l'association PARM. Alors au départ, on nous dit que le chèque a été envoyé en novembre. Donc ça, c'est absurde puisque depuis, il y a eu un certain nombre de mails et surtout l'ordonnance en injonction de payer. Ils ont fait des recherches, ça a duré une vingtaine de minutes pour finalement nous dire qu'effectivement le jugement avait bien été signifié, qu'ils l'avaient reçu et qu'ils avaient envoyé un chèque à l'huissier le 17 mai. Le souci, c'est que Sylvie a eu son huissier au téléphone la semaine dernière et qu'il ne lui a absolument pas parlé de la réception d'un chèque. Donc cet après-midi, vous appelez Maître Fix. Maître Fix, notre huissier, va appeler l'huissier de ce dossier et nous rappellerons l'association PARM, Madame Julie Rodrigue, pour voir si c'est vrai ou si c'est un morceau de pipeau. Car nous sommes devenus de grands mélomanes dans cette émission, on ne dit pas du tout que c'est le cas. A-t-elle envoyé le chèque ou pas ? L'huissier, lui, ne mentira pas. En vous remerciant, chers auditeurs, pour votre fidélité pour cette 18e année, nous allons attaquer la 19e à partir de fin août. Et ne vous inquiétez pas, un maximum de cas. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez besoin cet été. Évidemment, cet après-midi, ben, allez les Bleus, parce que si on passe l'Uruguay, là, je crois que c'est la voie royale et on va se régaler. On ne sera pas là pour commenter ça avec vous, puisque à partir de la semaine prochaine, c'est Bruno que je vais accueillir dans quelques instants. Voilà, on pense très très fort aux Bleus. Et qui sait si fin août, on ne célébrera pas la victoire de la Coupe du Monde, les gars. Ben, il faudrait. Avec un arbitre argentin, j'ai des doutes. Ah hein. Oh, bon, comment ça j'ai dit ce que je pense. Vous me fatiguez. Voilà, il est grand temps. Alors, autant pour les autres, ça sera une petite coupure d'un mois. Autant pour vous, vous allez prendre 3 ans. Oh non. Et franchement, si. Alors, pendant les vacances, évidemment, du très très grand, du très fort, puisque c'est notre ami Bruno Guillon qui sera avec nous. Bonjour. Bonjour, Julien. T'aurais pu dire du très lourd aussi. Non, eh bien... Si tu as bien entendu, il y a eu un petit blanc et au moment où j'ai fait le dire, j'ai dit non, du très très grand. Bon, tout va bien. Ça va super bien. Alors, écoute, hâte de retrouver tes auditeurs à partir de lundi avec Caroline Diamant. Qu'est-ce qui va se passer à partir de lundi matin sur RTL ? Le grand quiz de l'été. Tous les jours, on va jouer pendant plus d'une heure pour offrir aux auditeurs d'RTL des séjours au Parc Astérix pour 4 personnes. Eh ben, c'est super. Je te souhaite un bel été, mon Bruno, et éclate-toi bien. Ça marche toujours. Alors, vous avez fait très fort l'été dernier. Moi aussi, et ne pourris pas mon téléphone comme l'année dernière de photos de toi en string sur le bord de la plage au Cap Ferret. Ça gêne ma famille. Quelle horreur. Je vais trouver autre chose cette année, tu vas voir. Merci beaucoup, Bruno. Bon été. Merci, Julien. C'est donc Bruno Guillon qui sera là dès lundi avec Caroline Diamant pour vous accompagner tout au long de l'été. Voilà, on vous aime très fort. Profitez bien de cet été. Et n'oubliez pas, appelez le 3210 ou faites le Facebook. La page, ça peut vous arriver si vous avez un